In. Donc, mon exposé s'intitule « L'astronomie des dames, de la marquise de Fontenelle aux calculatrices de l'Observatoire » et mes bornes temporelles sont 1686, qui est la date de publication des entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, et 1900, qui est une date un petit peu passe-partout, pour mettre une borne temporelle. Donc, lorsque D'Alembert rédige l'article « Astronomie » pour le premier volume de l'encyclopédie, il y accorde une place à la pratique féminine de la science des astres. Celle-ci prend la forme d'une liste des dames qui ont apporté leur pierre à l'édifice commun, et je débuterai de la même façon par le portrait de quelques-unes de ces observatrices dont nous examinerons le statut et la production. Mais mon dessein est d'éviter l'écueil auquel on se heurte souvent quand on fait ce genre de liste, c'est-à-dire un inventaire de grands noms sans mise en perspective des mutations profondes qui sont survenues dans l'environnement socioculturel et dans l'exercice de la science, surtout quand on travaille sur une longue période comme la mienne. En ce milieu du XVIIIe siècle, l'astronomie est le siège d'un changement de paradigme. La gravitation newtonienne va engendrer l'émergence d'une branche hautement mathématisée, la mécanique céleste, qui va prendre le pas sur la traditionnelle astronomie d'observation. Et donc, quelques femmes, notamment les collaboratrices de Jérôme Lalande, se font une place dans cette nouvelle science. Et nous analyserons les singularités de leur parcours dans la deuxième partie que j'ai intitulée « Et Newton paru ». Avec l'Ancien Régime, s'éteint la pratique de l'astronomie que Jérôme Lamy, qui est une de mes sources principales, qualifie d'aristocratique. La professionnalisation croissante, entre autres, va écarter les femmes. Je dis entre autres parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et quelques-unes de ces femmes vont se réfugier dans l'écriture, telles Clémence Royer et Sophie Hulliac Trémadeur. Clémence Royer est assez connue, Sophie Hulliac Trémadeur sans doute beaucoup moins, dont nous évoquerons l'œuvre dans la troisième partie que j'ai intitulée « La dame au chapeau rose ». Vous saurez quand nous arriverons à la troisième partie. Vous savez peut-être déjà, mais si vous ne savez pas, vous saurez à la troisième. Donc ne vous endormez pas, vous saurez à la troisième partie. Pourquoi j'ai intitulé cette partie « La dame au chapeau rose ». Et peu à peu, l'Observatoire de Paris, puis toutes les institutions analogues qui voient le jour dans les grandes villes à partir des années 1870, vont s'organiser sur un mode industriel. Et le traitement des multiples données qui sont accumulées vont nécessiter un personnel non permanent, compétent, mais peu exigeant. Compétent, peu exigeant, vous reconnaissez le portrait typique de la femme. Et donc partout vont s'ouvrir des bureaux de calculatrices sur lesquels je conclurai mon propos en quatrième partie. Donc nous allons débuter par les observatrices. À la suite de D'Alembert, tous les articles et ouvrages consacrés à l'astronomie des dames débutent par la même figure tutélaire, celle d'Hypatie, que je voulais saluer, et qui a donné lieu à bien des légendes, notamment au XIXe siècle. Donc là, vous avez un portrait XIXe-iste d'Hypatie, et vous avez aussi une actrice américaine qui a joué le rôle d'Hypatie dans un péplum de Alessandro Amenábar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je trouve personnellement très intéressant parce qu'il y accorde une grosse importance à l'aspect scientifique. Bon, d'un point de vue historique, c'est beaucoup de légendes. Agora. Agora. Agora. Oui. Et que vous pouvez trouver en DVD. Il est bien. Vraiment très bien. Qui a beaucoup d'autres qualités que le portrait d'Hypatie, parce que c'est un film sur la tolérance, et c'est un film très intéressant, mais le portrait d'Hypatie est assez... Hypatie, il n'y a pas longtemps. À la télévision ? Ah, oui. J'ai vu il y a 2 mois. Oui. Ouais. Alors je vous rassure, on ne va pas débuter au IVe siècle, hein, on va se cantonner au XVIIIe siècle. Et la première personne dont je vais vous parler, je n'en ai pas trouvé de portrait sur Google Images, j'ai trouvé uniquement le portrait de son mari. Donc il s'agit de Maria Margarete Winckelmann, née en 1670 et morte en 1720, qui est l'épouse de Gottfried Kirch, astronome à Leipzig, qui va élever 6 enfants, dont 2, Christfried et Christine, vont devenir astronomes à sa suite. et qui va assister son époux dans ses observations et ses calculs. Alors, Gottfried Kirch va être astronome à Berlin de 1700 à 1710, et Maria va y découvrir une comète en 1702. Devenue veuve, elle va continuer ses travaux dans l'observatoire privé d'un mécène et réintégrer l'observatoire de Berlin quand son fils va y être nommé en 1716. Mais elle doit alors se contenter d'un rôle de second plan, donc je vous ai mis une citation de l'époque. L'intérêt de son fils et le sien propre l'obligeaient à ménager l'esprit de quelques personnes qui trouvaient mauvais qu'une femme s'attachât à cette science et auraient voulu la réduire à sa quenouille et à son fuseau. Ainsi, elle renonça presque entièrement aux observations astronomiques. L'astéroïde numéro 9815, repéré en 1960 par l'astronome néerlandaise Ingrid van Houten-Groeneveld et son époux, qui sont des prolifiques découvreurs de milieux de petites planètes, s'appelle Maria Kirch. Ingrid van Houten-Groeneveld a choisi de donner des noms féminins à de nombreux astéroïdes. Nous la retrouverons plus tard. Les deux sœurs de Stacio Manfredi subissent le même sort, c'est-à-dire que je n'ai pas été capable de trouver de portrait, mais j'ai trouvé un portrait du frère. Donc, il est astronome à Bologne et membre associé de l'Académie des sciences de Paris. Et les deux sœurs nous sont connues grâce à Fontenelle, qui écrit dans l'éloge du frère, ces deux sœurs qui ont fait la plus grande partie des calculs de ces deux premiers tomes. S'il y a quelque chose de bien directement opposé au caractère des femmes, de celles surtout qui ont de l'esprit, c'est l'attention sans relâche et la patience invincible que demandent des calculs très désagréables par eux-mêmes et aussi longs que désagréables. Et pour mettre le comble à la merveille, ces deux calculatrices, car il faut faire un mot pour elles, brillaient quelquefois dans la poésie italienne. Auparavant, Fontenelle a insisté sur la fréquentation assidue de Teresa et Maddalena de l'observatoire familial, aux côtés de Stacio et des autres frères. Notons au passage que Fontenelle laisse entendre qu'il vient de créer un néologisme à leur intention. Si calculateur est attesté dès 1546 par le dictionnaire historique de la langue française, le féminin calculatrice n'apparaît généralement que dans deux sens. Le sens figuré de, je cite, « personne habile à combiner des projets et des plans », qui apparaît en 1794, et la machine à calculer, que vous connaissez tous. Alors, une constante de la pratique astronomique féminine de cette époque, comme dans les siècles antérieurs du reste, c'est l'initiation par un grand homme de l'entourage, généralement le frère ou le mari, en quête d'une aide pour les tâches répétitives, parce que l'astronomie est extrêmement répétitive. Mise en place du matériel, veille régulière, consultation des horloges, tenue des registres d'observation. L'objectif essentiel de l'astronome à cette époque est le perfectionnement des tables, qu'on appelle aussi éphémérides, qui donnent la position des astres du système solaire, et d'autre part, la réalisation de catalogues d'étoiles, qui vont permettre de repérer ce qu'on appelle les astres errants, c'est-à-dire les planètes et les comètes, sur le fond des étoiles. Toute observation doit être réduite, c'est-à-dire traduite dans un système de coordonnées utilisé par toute la communauté. La réduction nécessite une pratique, une maîtrise de l'arithmétique et de la trigonométrie. Faute de manuscrits, nous pouvons émettre l'hypothèse, enfin, il y a peut-être quelques manuscrits, mais on ne les a pas encore trouvés, nous pouvons émettre l'hypothèse que l'astronome va former sa collaboratrice de manière essentiellement pragmatique, à partir d'un exemple de calcul à reproduire. La plupart des astronomes se choisissent des assistants masculins, bien évidemment, tout aussi invisibles du reste que leurs homologues féminines. Et c'est dans le vivier masculin que les astronomes établis vont recruter, après les avoir testés, leur futurs disciples, les personnes qui vont leur succéder. Le choix d'une adjointe féminine est souvent dicté par des raisons de commodité. Les observations astronomiques ont lieu pour la plupart la nuit, donc c'est plus commode d'habiter sous le même toit, d'une part. dictée également par des motifs financiers, parce qu'on n'a pas besoin de payer sa sœur ou son épouse. Mais il constitue néanmoins une transgression. Parce que les mathématiques ont la fâcheuse réputation de dessécher les fragiles esprits féminins. Et transgression aussi, si l'on compte l'indécence que constitue la montée des petits escaliers qui montent au télescope pour une femme munie de grandes jupes. Et on a ce témoignage de la part de Caroline Herschel, dont je parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Aussi, les praticiennes de l'astronomie savante demeurent-elles très rares. En revanche, la vogue de l'observation de loisirs bat son plein au XVIIe siècle. De grands hommes de lettres brocardent les femmes qui s'adonnent avec trop de passion à la science des astres. Par exemple, Boileau, qui moque Madame de la Sablière en écrivant « Qui s'offrira d'abord ? Bon, c'est cette savante qu'estime Robert Val et que Sauveur fréquente. D'où vient qu'elle a l'œil trouble et le teint si terni ? C'est que sur le calcul, dit-on de Cassini, un astrolabe en main, elle a dans sa gouttière à suivre Jupiter passer la nuit entière. » C'est beau. Il est généralement admis que la fille de Madame de la Sablière, Madame de la Maisongère, est la marquise de Fontenelle dans les entretiens sur la pluralité des mondes. La lunette est devenue un objet courant parmi les gens du monde, et évidemment ce que vous avez en tête certainement, c'est la scène des femmes savantes où Philaminte et Bélise parlent de leur découverte. Philaminte. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Bélise. Je n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois, mais j'ai vu des clochers, comme je vous vois. Maria Kirsch et la plupart des femmes auxquelles leur frère ou mari confère la tâche d'assistante se réservent généralement un temps pour l'observation personnelle. Tel est le cas de la célèbre Caroline Herschel, sœur de William Herschel, née en 1738 et mort en 1822, qui est le découvreur de la planète Uranus. J'ai choisi de ne pas m'attarder sur Caroline parce que son parcours est retracé dans de nombreux ouvrages anglo-saxons et parce que les archives de la famille ont été entièrement numérisées. Donc il est très très facile d'avoir accès à toute cette documentation, bien que ce soit un cas très, très emblématique. Maria Kirsch, comme Caroline Herschel, s'illustre notamment par la découverte de comètes. Au XVIIIe siècle, dans les salons, les dames s'enflamment pour les phénomènes spectaculaires et l'aspect expérimental de la science. Elles tournent des manivelles, les manivelles des planétaires qui sont fabriquées par le célèbre physicien Nollet, chez lequel on refuse du monde lors des cours publics. Horace Walpole, écrivain anglais ami de Madame du Deffand, nous conte un épisode survenu lors de l'un de ses voyages à Paris. J'ai eu beaucoup de peine à la convaincre de ne pas rester debout jusqu'à 3 heures par amour de la comète. Elle avait dans ce but prié un astronome d'amener ses télescopes chez le président Hainaut, pensant que la chose pouvait m'amuser. Le goût des étoiles touche toutes les sphères, y compris les plus élevées. La duchesse du Maine, épouse du fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, se fait représenter par le célèbre François de Troyes pendant sa leçon d'astronomie. La toile, sur laquelle figurent une sphère armillaire et un globe céleste, occupe une place de choix au château de Sceaux, demeure de la duchesse. Les libertins du XVIIe, comme Fontenelle, vont favoriser cette attirance des femmes pour la science et vont être suivis au siècle des Lumières par les encyclopédistes. Mais bien sûr, les adversaires de ce courant de libération intellectuelle demeurent majoritaires, comme on a pu le voir avec Boileau, y compris bien entendu chez les femmes. Et en particulier, on a parlé de Madame du Deffand qui a été incendiaire vis-à-vis des femmes scientifiques. Je vais maintenant passer à ma deuxième partie, et Newton paru. Avec évidemment le portrait qui s'impose, celui de Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, qui voit le jour dans une famille de haute noblesse et reçoit une éducation comparable à celle qu'on réserve habituellement aux garçons, c'est-à-dire, bon, les lettres, mais ça c'est assez commun, le latin, qui est généralement réservé aux garçons, ainsi que les sciences. Ses parents vont favoriser son goût pour la lecture et vont l'autoriser à converser dès son plus jeune âge avec les savants qui sont reçus dans leur salon, et en particulier Fontenelle. Conformément au canon de sa classe, elle va épouser un marquis en 1725, lui offrir une descendance, c'est-à-dire 3 enfants, et à partir de ce moment-là, elle s'est acquittée de ses tâches et elle peut mener la vie libre à laquelle elle aspire, d'autant que M. du Châtelet est parti rejoindre son régiment. Et donc, parallèlement à ses loisirs mondains, auxquels elle consacre un temps certain, elle va prendre des leçons de mathématiques auprès de 2 savants en vue, Maupertuis et Clairaut, et rencontrer Voltaire, avec lequel elle va se retirer à Cirey, 1 an après leur rencontre, en 1734, et y faire aménager un cabinet de physique. Leur ami italien Francesco Algarotti, qui composera lui-même un newtonianisme pour les dames, les convainc de vulgariser la théorie de Newton, et Voltaire va dédier ses éléments de la philosophie de Newton à Émilie, qui a vraisemblablement beaucoup contribué à l'ouvrage. Le poème dédicace débute par ces mots. « Tu m'appelles à toi, vaste et puissant génie, Minerve de la France, immortelle Émilie, disciple de Neuton et de la vérité, tu pénètres mes sens des feux de ta clarté, je quitte Melpomène et les jeux du théâtre, ces combats, ces lauriers dont je fus idolâtre, de ces triomphes vains, mon cœur n'est plus touché. » Vous savez sans doute que Voltaire appelait gentiment Madame du Châtelet « Madame Neuton-Pompon ». Après avoir répandu en France, les thèses de Leibniz, exposées dans ses institutions de physique en 1740, Madame du Châtelet va entreprendre en 1745 la traduction des Principia de Newton et mourir en 1749, 3 jours après y avoir mis la dernière main et donner le jour à une petite fille. Ce sont généralement Maupertuis et Voltaire qui sont crédités. Qui sont crédités de la diffusion des travaux de Newton en France. Loin de leur dénier ce mérite, je voulais également souligner celui de Madame du Châtelet, dont la traduction complète des Principia accompagnée de commentaires est actuellement la seule dont on dispose. Complète, parce qu'il y a un début de traduction, de nouvelle traduction qui a été faite récemment. Alors, avec la loi de la gravitation, l'astronomie connaît une révolution. Tandis que les tables de position, les fameuses éphémérides dont je vous ai parlé dans la première partie, reposaient jusque-là exclusivement sur des observations répétées, elles vont pouvoir être désormais établies de manière théorique, en calculant les perturbations engendrées par les autres corps du système solaire. Dans ce but, Newton et Leibniz ont introduit le calcul différentiel, que tous les astronomes vont devoir désormais maîtriser. L'astronomie va donc devenir mécanique céleste. Or, en 1758, une opportunité exceptionnelle s'offre aux astronomes newtoniens de prouver le bien fondé de la théorie du maître et de convaincre les quelques récalcitrants cartésiens qui demeurent. C'est la comète de Halley. Elle a été observée par Halley en 1682 et il en a prévu le retour pour environ 75 ans plus tard. 75 ans plus tard, ça fait 1758-1759. Donc Clairaut, grand géomètre s'il en fut, va appliquer sa solution du problème des 3 corps, c'est-à-dire du problème des perturbations engendrées par les différents astres. En réalité, ici, il y a 4 corps, puisqu'il y a le Soleil, la comète, bien sûr, Jupiter et Saturne, qui sont 2 planètes massives qui engendrent de fortes perturbations. Et il va confier les calculs à 2 personnes. Donc, un jeune astronome, Jérôme Lalande, et Nicole Reine, étable de la Brière, Madame Le Pôtre. Cette dernière est l'épouse de l'horloger du roi et réside à ce titre au Luxembourg, où Jérôme Lalande possède un observatoire. C'est ainsi qu'ils ont fait connaissance. Jérôme Lalande écrit dans les notes qu'il destine à sa biographe, je cite, « Je ne vais point au spectacle. L'étude, la société des gens d'esprit, surtout des femmes instruites, sont mes seules récréations. » Donc dans les lignes qui vont suivre, nous allons rencontrer 3 femmes instruites, de l'environnement proche de la lande. Il va falloir une année de calcul à Lalande et à Madame Le Pôte pour que, à la fin de 1758, Clairaut et Lalande puissent annoncer la date du retour de la comète de Halley à un mois près, ce qui est considéré à l'époque comme un triomphe de la théorie newtonienne. Malheureusement, nous n'avons pas de détails sur la répartition des tâches. Alors, il y a quand même un détail, c'est qu'on sait que Clairaut s'est occupé de l'aspect théorique et que Lalande et Madame Le Pôte se sont occupés des aspects calculatoires. Mais on ne sait pas comment Lalande et Madame Le Pôte se sont répartis les tâches. Est-ce que Madame Le Pôte, en particulier, est-ce que Madame Le Pôte a été initiée au calcul des perturbations, c'est-à-dire au calcul différentiel, ou est-ce qu'elle s'est cantonnée à des tâches répétitives des procédures élémentaires? J'en ai discuté avec mes collègues historiens de l'astronomie qui penchent plutôt pour la première hypothèse. Parce que par la suite, les travaux qu'elle a réalisés montrent qu'elle avait quand même des aptitudes assez importantes. Dans le deuxième volume des Passions intellectuelles, Elisabeth Badinter explique pourquoi Clairaut, et à sa suite Lalande, oublie de mentionner la participation de Madame Le Pôte. Il s'agit d'une sombre histoire de maîtresse jalouse, maîtresse de Clairaut. Mais très vite, Lalande s'aperçoit de l'injustice et la répare. Après ce premier succès, Madame Le Pôte va calculer les éléments de la comète de 1762. Il y a eu énormément de comètes visibles à l'œil nu au XVIIIe siècle, et ça a donc donné lieu à de nombreux travaux astronomiques d'ampleur. Et elle va rédiger également les tables de l'éclipse annulaire de 1764, ainsi qu'une carte que vous avez sur la diapositive, dont Lalande fait la publicité dans La connaissance des mouvements célestes pour 1764 en ces termes. Pour préparer les astronomes et les curieux à l'observation de cette éclipse, Madame Le Pôte a fait graver, d'après ses propres calculs, une carte du passage de l'ombre de la Lune au travers de l'Europe, depuis le cap Saint-Vincent en Espagne jusqu'au cap Wardus en Laponie. La carte se trouve à Paris, chez l'attrait graveur rue de la Parcheminerie. Madame Le Pôte va collaborer fidèlement avec Lalande en composant des tables pour la connaissance des temps, donc la connaissance des temps, le recueil de tables astronomiques, jusqu'en 1774, et également pour les éphémérides. Et l'Académie de Béziers va l'accepter comme membre associé. Weiss, auteur de la notice biographique de la biographie universelle ancienne et moderne, émet cette remarque non dénuée de saveur. Madame Le Pôte, douée de tous les avantages extérieurs, portait dans la société cette politesse et cette fleur d'esprit que semblent exclure les études profondes. Lorsqu'il publie en 1802 sa bibliographie astronomique, Lalande consacre à Madame Le Pôte une importante notice biographique qui prouve son profond attachement à celle qu'Elisabeth Badinter appelle la reine de l'astronomie. Voici quelques vers de Lalande. C'est moins bon que du Voltaire, mais enfin. Des tables de sinus toujours environnées. Vous suivez avec nous Hipparque et Ptolémée, mais ce serait trop peu que de suivre leurs traces et d'être au rang de ceux que nous comblons d'honneur, reine, si vous n'étiez le sinus des grâces et la tangente de nos cœurs. Ah. Alors, certains biographes la prénomment Hortense et prétendent que l'hortensia lui fut dédiée par Commerson ou Le Gentil lorsque cette rose du Japon fut introduite en France. En réalité, la fleur fut d'abord nommée Possia par Commerson, en hommage à Nicole Reine Le Pôte, puis Hortensia, par la suite, en hommage à une autre. Donc, elle ne s'appelait pas Hortense. Mais la légende a été véhiculée, entre autres, par un grand vulgarisateur de l'astronomie qui s'appelle Camille Flammarion. Et à la suite de Camille Flammarion, beaucoup d'autres qui compilent ont véhiculé cette légende. Ingrid van Houten-Groeneveld, l'astronome de Leyde dont je vous ai parlé tout à l'heure, a nommé l'astéroïde numéro 7720 Le Pôte. Nous allons maintenant parler d'une deuxième des femmes instruites de la cour de Lalande, qui est Louise-Élisabeth Félicité Pourrat de la Madeleine, plus connue sous le nom de Madame du Piry, dont moi je sais qu'elle est née en 1746 à La Ferté-Bernard, mais Isabelle sait quand elle est décédée. Décédée en 1830. Décédée en 1830. Donc c'était quelque chose que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai su il y a 3 semaines. Donc Madame Dupiré est une figure bien moins connue. J'en avais parlé il y a 10 ans à Martine. Lalande lui a dédié son Astronomie des Dames, je cite, « comme à la femme la plus instruite que je connusse ». Et nous informe qu'elle a fait un cours public d'astronomie à Paris en 1789. Donc on a peut-être trouvé des traces de ce cours public, grâce à Isabelle. Ses calculs sur les éclipses solaires du XVIIe siècle ont permis de préciser le mouvement de la Lune, qui est l'objet de beaucoup de recherches à cette époque, parce que le mouvement de la Lune est un mouvement très très complexe. Et ce mouvement a été étudié entre autres en France par Clairaut et d'Alembert, mais aussi par Euler et beaucoup d'autres savants européens. Et grâce à Simone Dumont, nous avons appris récemment qu'elle fut l'amie de cœur de Lalande, qu'elle cultivait également l'histoire naturelle, la chimie, et nous avons découvert les lettres de Lalande à celle qu'il appelle d'abord Lala, après Astronomette, c'est joli, et pour finir Pantomatée. Donc ces lettres ont été publiées par Vrin dans un volume qui s'appelle Lalandiana, donc je vous en cite un petit morceau. Je te porte avec moi dans tous les observatoires, tu es à côté de toutes les lunettes. J'ai parlé de toi comme tu le mérites, partout où j'ai été, mais ce sera samedi que je parlerai le plus chez Herschel et je ferai bien ta commission chez Miss Caroline. Donc cette lettre est écrite lors d'un voyage en Angleterre de Lalande. Auprès de Lalande, de même qu'à l'Académie de Béziers, Madame Dupiéry succède à Nicole Reine Lepaute quand celle-ci va abandonner l'astronomie pour se consacrer à son mari malade. Mais Lalande reproche souvent à Pantomatée de ne pas s'impliquer suffisamment dans la science des astres et de lui préférer la chimie et, je cite, les petites bêtes. Ce qui n'empêche pas Lalande de lui demeurer fidèle jusqu'à sa mort, la mort de Lalande en 1807. Troisième et dernière femme instruite de l'environnement de Lalande, alors ce sont des femmes dont je n'ai pas trouvé de portrait, j'en suis absolument désolée. Marie-Jeanne Amélie Harlet, Madame le Français de Lalande, qui a épousé en 1788 Michel, un cousin de Jérôme Lalande que celui-ci appelle mon neveu. Alors il précise ailleurs que c'est un cousin à la mode de Bretagne, mais il l'appelle mon neveu. Elle les assiste dans le calcul des tables, notamment les tables destinées à la navigation, et pour la constitution du grand catalogue d'étoiles de l'Observatoire de Paris. Ses enfants se prénomment Caroline et Isaac. Caroline est née le 20 janvier 1790, jour où l'on observe pour la première fois à Paris une comète découverte par Miss Caroline Herschel. Son parrain est l'astronome de Lambre, qui s'illustrera par la mesure du méridien de Dunkerque à Barcelone. Et Isaac, bien évidemment, est un hommage à Newton. Simone Dumont pense qu'Amélie est la fille naturelle de Lalande. Mais on n'a pour l'instant aucune preuve de cette filiation. Donc, je vous ai présenté trois collaboratrices successives de Lalande qui se distinguent peu, comme vous avez pu le constater, des dames observatrices que j'avais présentées au précédent paragraphe, si ce n'est par leurs connaissances mathématiques. Parce que pour pouvoir fabriquer les tables du 18e, on a besoin d'avoir assimilé le calcul intégral. Elles travaillent toujours dans l'ombre de leur mentor, mais celui-ci les fait sortir de l'anonymat en signalant leurs contributions dans ses nombreuses publications et en les introduisant dans les quelques sociétés savantes qui acceptent les dames, comme la fameuse Académie de Béziers. Pour l'instant, la carrière de ces dames nous est essentiellement connue par le témoignage de l'homme, Lalande. Et nous espérons découvrir prochainement de nouvelles archives qui nous permettront d'avoir un accès à leur regard personnel sur leurs pratiques. Je vais maintenant aborder ma troisième partie et vous allez enfin découvrir la dame au chapeau rose. Alors, pas tout de suite. La période post-révolutionnaire et le premier 19e siècle sont marquées par une professionnalisation croissante de l'astronomie, comme la plupart des sciences. Sous l'instigation de Pierre-Simon Laplace, le grand patron de la science française en ce début de 19e siècle, des générations successives de polytechniciens vont prendre les rênes de l'astronomie. Et ils vont accentuer naturellement la pente mathématique qu'on avait déjà perçue à la fin du 18e siècle. L'observation devient désormais quasiment accessoire. Elle a pour seul objet, c'est le discours de Laplace qui dit qu'elle a pour seul objet de confirmer les mouvements qui sont prédits par la théorie. De nombreux observatoires du siècle précédent, qui étaient généralement des petites constructions en bois sur des terrasses et qui appartenaient à des aristocrates fortunés ou à l'ordre des jésuites, bon, les deux ont disparu du territoire national, donc ces petits observatoires ont généralement fermé leurs portes. Quand ils n'ont pas fermé leurs portes, ils végètent. Et du coup, l'observatoire de Paris va détenir une forme de monopole. Et nous allons rencontrer une deuxième figure masculine importante, celle de François Arago, qui va présider aux destinées de l'Observatoire de Paris à partir de 1810, et qui va y installer sa famille. Sa sœur va épouser l'astronome Mathieu. Et leur fille, la fille de sa sœur et de Mathieu, Lucie, va épouser l'astronome Laugier. Lucie deviendra vite la secrétaire de son oncle, mais il ne semble pas que François Arago ait initié Lucie à l'astronomie. Elle va devenir la retranscriptrice de son œuvre et elle va aussi être en charge de sa correspondance. Donc elle va plutôt jouer le rôle de secrétaire scientifique auprès de son oncle. Arago est un grand admirateur de la pensée des Lumières et tout particulièrement de Condorcet, dont il a contribué à éditer les œuvres. Et il se fait un devoir de mettre l'astronomie du moment à la portée de tous et à ouvrir grandes les portes de l'observatoire pour son cours public d'astronomie bien connu qu'il va animer de 1813 à 1847. Parmi les 800 auditeurs qui se pressent dans l'amphithéâtre construit spécialement, beaucoup de dames, dont Georges Sand qui en parle dans sa correspondance et une autre dame moins connue qui est Sophie Uliac Trémadeur, née en 1794 et morte en 1861. Toujours pas de portrait, je suis désolée. Les vicissitudes de la carrière d'ingénieur militaire de son père et la mauvaise santé de sa mère ont contraint cette dernière à gagner sa vie. Dans les années 1820, elle est devenue femme auteur. C'est elle qui se donne ce titre, femme auteur. Et ses premiers romans moraux ont obtenu des prix qui lui ont assuré une petite aisance financière. Ce qui n'empêche que l'un de ses mentors lui rappelle en 1831 « Vous n'êtes pas encore d'âge à aller seule aux bibliothèques publiques. » Il est vrai qu'elle n'a que 37 ans. Et donc c'est lui qui doit emprunter les ouvrages dont elle a besoin pour écrire ses romans. En 1841, elle vit le cours d'Arago comme un dérivatif à ses soucis domestiques. Mais elle ne peut pas se permettre les 3 heures d'attente pour être assurée d'avoir une place assise dans l'amphithéâtre. Donc, elle écrit à Madame Mathieu, la sœur d'Arago, et à sa fille Lucie, et elle accompagne sa lettre de quelques-uns de ses ouvrages, de quelques-uns de ses romans moraux. Madame Mathieu lui répond, et une amitié s'ensuit, et l'admission dans l'intimité de la famille Arago. Sophie Uliac Trémadeur, qui est déjà l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les jeunes naturalistes » en 1838, va se laisser convaincre par ses proches de rédiger un livre d'astronomie destiné aux jeunes filles. Celui-ci paraît sous le titre « Astronomie et météorologie à l'usage des jeunes personnes ». Tout d'abord en 1847 dans la bibliothèque de la jeune fille, puis chez Didier en 1854. Ces deux protectrices, donc Madame Mathieu et sa fille Lucie, lui ont facilité l'accès aux instruments, et les astronomes Laugier et Mauvais lui ont prodigué leurs conseils. De plus, un de ses vieux amis, breton, parce que Madame Uliac Trémadeur est née à Lorient, donc un de ses vieux amis bretons, lui a confié sa transcription du cours d'Arago. Aussi, son livre prend-il la forme de l'envoi de cette transcription du cours d'Arago, complétée par la lecture de Laplace et d'Herschel, par un auditeur masculin, à sa sœur, qu'il se propose d'initier aux merveilles de l'astronomie. Nous retrouvons là le procédé très classique du dialogue entre un homme savant et une femme qui l'instruit, qui a été employé par maints auteurs de vulgarisation scientifique, ou de diffusion scientifique plus exactement, à la suite de Fontenelle. L'ouvrage est d'une grande qualité pédagogique et ne cherche pas à éviter, comme c'est souvent le cas pour la littérature de jeunes filles, les aspects les plus ardus. Sophie Illac-Trémador va diriger le Journal des jeunes personnes, de 1846 à 1857, qui va devenir par la suite le Journal des demoiselles, à partir de 1858. En 1886, lorsqu'on lui commande des fresques célébrant l'histoire des sciences pour l'escalier d'honneur de la Sorbonne, le peintre Théobald Chartrand décide de consacrer l'une d'elles au cours d'Arago, à la bibliothèque Marguerite Durand, dans les fonds Clémence Royer, qui est née en 1830 et qui est morte en 1902. Une petite note manuscrite signale, non signée, petite note manuscrite non signée, signale, je cite, Clémence Royer figure dans le péristyle de la Sorbonne, dans le tableau de Chartrand, représentant le cours d'Arago. Elle est en capote rose. Ah. Donc, est-ce que vous repérez la dame en capote rose au premier rang? Nous sommes à la recherche d'archives qui permettent de le confirmer ou de l'infirmer. Moi, j'ai quelques doutes quand même, parce qu'elle est née en 1830, le cours s'est arrêté en 1847. Bon, je ne sais pas. Il faut voir. Donc celle dont Ernest Renan dit qu'elle est, je cite, « presque un homme de génie », est à partir de 1858 la compagne de Pascal Duprat, républicain, grand admirateur de l'homme politique Arago. Et Pascal Duprat a fréquenté l'observatoire autour de 1848, quand François Arago faisait partie du gouvernement provisoire. Ils ont d'ailleurs écrit tous les deux un ouvrage consacré à la vie politique d'Arago. Elle doit sa renommée actuelle, d'une part à son féminisme militant, d'autre part à sa traduction très contestée de l'origine des espèces de Darwin. Mais le projet scientifique auquel elle consacre l'essentiel de son énergie n'est rien moins qu'une version moderne du De Natura Rerum de Lucrèce. Je me suis intéressée uniquement au volume consacré à l'histoire du ciel, qui est paru en 1901, c'est-à-dire un an avant sa mort. Il y apparaît que Clémence Royer a lu tous les grands auteurs, y compris les plus récents, en particulier Henri Poincaré, et qu'elle ne se contente pas de compiler. Elle ne manque pas de discuter des hypothèses et d'émettre des points de vue personnels. Ainsi que l'écrit Georges Clémenceau, dans l'article de l'illustration qu'il va lui consacrer en 1897, la tendance caractéristique de l'esprit de Madame Clémence Royer est de s'en prendre à toutes les grandes théories scientifiques reçues des maîtres pour les critiquer, les reviser, les remplacer au besoin. Une génération sépare les deux femmes que je vous ai présentées, qui conçoivent très différemment leur rôle de femme auteure. Toutes deux sont confrontées à la nécessité de gagner leur vie en écrivant. L'objectif de la première est l'éducation des jeunes filles par le biais de romans moraux, de journaux dédiés ou de livres de diffusion. Elle a parfaitement intégré la dimension de modestie dans la condition féminine qu'elle prône dans ses écrits moraux. Elle milite toutefois pour un accès des filles au savoir qu'elle présente souvent comme un refuge contre les rigueurs du monde. Et il y a d'ailleurs une parenté très spectaculaire dans les écrits de Madame Illac-Trémador concernant le savoir pour les filles et ceux de Madame du Châtelet dans le discours sur le bonheur. La seconde, donc Clémence Royer, qui est une éternelle rebelle, recherche un vaste lectorat pour une œuvre de création scientifique, en quête de lois universelles. Admise en 1870 à la Société d'anthropologie, elle se considère comme une authentique savante. Conviction qui est du reste partagée par une grande partie de la communauté scientifique de l'époque, y compris hors des frontières. Par exemple, elle bénéficie de l'admiration de Darwin au début. Après, ça se gâte. Sa carrière est couronnée par la Légion d'honneur en 1901. Actuellement, on est extrêmement sévère à l'égard de Clémence Royer, y compris dans la communauté des historiens des sciences, et en particulier, bien évidemment, pour tout ce qui touche à Darwin. Et cette sévérité révèle relève, selon moi, quelquefois d'un jugement de valeur complètement anachronique. Et en particulier, je n'ai pas trouvé pour l'instant de réponse à une question qui me paraît très simple et fondamentale. Pourquoi aucun savant institutionnel homme ne prit-il en charge la traduction de l'origine des espèces de Darwin ? Voilà. Donc, je vais maintenant... Cette question est un peu polémique, je vous prie de m'en excuser. Non, je ne m'en excuse pas. quatrième aspect, le bureau des calculatrices. Donc, à la mort d'Arago en 1853, la direction de l'Observatoire de Paris va échoir à un personnage que tout oppose à son prédécesseur, Urbain Le Verrier, a acquis la célébrité lors de la découverte de la planète Neptune par la force du seul calcul. C'est un fidèle soutien de l'empereur et il souhaite rétablir une discipline de fer dans son institution. Donc il adopte une organisation pyramidale. L'omnipotent directeur a sous sa coupe des chefs de service qui ont en charge chacun un instrument et une tâche. L'initiative personnelle n'est plus de mise. Chaque membre du personnel devient donc un rouage dans une usine à produire des données astronomiques que seul le directeur a le pouvoir de publier sous sa propre signature, naturellement. Quant à la diffusion scientifique, elle est réduite à l'ouverture occasionnelle de l'observatoire au profit d'un public trié sur le volet, dont le mécénat est sollicité. L'un des premiers gestes de rupture de Le Verrier fut du reste, c'est bien connu, la destruction de l'amphithéâtre construit par Arago pour y aménager ses appartements personnels. Clémence Royer raconte dans son Histoire du ciel un échange concernant l'hypothèse de la nébuleuse primitive de Laplace, c'est-à-dire l'ancêtre de la théorie du Big Bang. Un soir à l'Observatoire de Paris, où Le Verrier nous faisait les honneurs de ses grandes lunettes, je me permis d'y faire une allusion. Un sarcasme, vivement décoché à mon adresse par l'esprit aigu du savant astronome, me fit comprendre, non sans m'étonner, que j'étais bien naïve de croire que c'était arrivé. Avec le développement de la capitale, l'inadaptation du site de l'observatoire qui commence à être soumis aux vibrations et qui est éclairé par les lumières de la ville, il faut savoir que, enfin, vous savez tous que l'observatoire avait été créé à la campagne, mais que la ville a gagné et qu'il se trouve à l'époque de Le Verrier, il se trouve en pleine ville. Donc, il devient inadapté et Le Verrier préconise donc la création d'annexes en province, sous sa direction bien évidemment. Ses opposants, qui sont de plus en plus nombreux, seraient partisans d'observatoires décentralisés indépendants. Le Verrier va obtenir en 1860 l'établissement de la succursale de Marseille et d'une station à Alger. Il va falloir attendre sa mort en 1877 pour qu'un réseau d'observatoires soit établi: Marseille, Alger, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Besançon. Le modèle d'organisation industrielle que je vous ai décrit pour Paris va s'imposer partout, c'est-à-dire séparation des services, division des tâches, et il s'impose partout en France, mais il s'impose partout dans le monde. Or, en 1887, l'amiral Mouchet, qui est le nouveau directeur de l'Observatoire de Paris, lance une grande opération internationale de cartographie de la sphère étoilée, appelée Carte du ciel. En France, y contribuent les observatoires de Paris, Alger, Bordeaux et Toulouse. L'idée est de doter un grand nombre d'observatoires de par le monde du même matériel photographique, de délimiter des zones qui vont être confiées à chacun des observatoires et de centraliser les résultats. D'où la nécessité d'un personnel considérable pour effectuer les mesures sur les plaques photographiques et faire les calculs de réduction nécessaires à l'obtention des coordonnées. Le projet porte sur 2 millions d'étoiles. Mais les astronomes sont en nombre très réduit et ils sont déjà occupés par le service de leur instrument. D'autre part, on a bien recruté des calculateurs masculins au début du 19e siècle pour les besoins de la mécanique céleste. Mais ils sont aussi ensevelis sous l'avalanche de données qu'ils reçoivent et ils ne peuvent assurer de tâches supplémentaires. Il va donc falloir avoir recours à un nouveau vivier. Celui-ci doit produire une main-d'œuvre habile, possédant un niveau d'instruction satisfaisant et acceptant une rétribution modeste. Les femmes sont toutes désignées selon une organisation que Mouchet décrit à ses collègues de la manière suivante. Un atelier de 10 ou 15 femmes avec autant de machines et 2 ou 3 personnes pour les diriger, suffirait à ce travail, qu'on pourrait organiser avec 60 000 à 80 000 francs par an, c'est-à-dire avec 5 000 francs au plus de la part de chaque État intéressé. Alors en réalité, la Commission va renoncer au bureau centralisé. Mais les quatre observatoires français, qui vont être partie prenante de la carte du ciel, vont adopter ce principe à l'échelle locale. Les travaux que Jérôme Lamy a effectués sur le bureau des calculatrices de l'Observatoire de Toulouse sont exemplaires. Donc Jérôme Lamy souligne leur invisibilité, leurs noms ne sont pas toujours mentionnés et les feuilles de calcul n'ont pas été conservées. Donc il est inutile d'aller les chercher. Pendant la période 1895-1908, 5 d'entre elles vont bénéficier du statut d'employé. Mais les nécessités du service peuvent imposer le recrutement d'auxiliaires. Jérôme Lamy en a comptabilisé 25 pour l'opération Carte du Ciel à Toulouse. Elles sont soumises à la plus grande précarité de l'emploi. Alors, Jérôme Lamy a montré également qu'elles possèdent en général un certificat d'études ou un brevet élémentaire, qu'elles sont généralement issues d'une petite bourgeoisie ayant connu des revers de fortune et qu'elles jouent parfois le rôle de soutien de famille. On leur réserve les tâches les plus ingrates et répétitives, mais on valorise dans le discours leur qualité intrinsèque de patience et de minutie. Elles sont placées sous l'autorité hiérarchique d'un homme et sont rétribuées à l'acte. Ainsi, les relevés et additions concernant 17 500 positions du catalogue de Toulouse, effectuées par Madame Lombraille en 1899, sont payées 0,01 francs de l'heure. Alors que les statistiques des clichés menées par Mademoiselle Brunel à l'automne 1900, qui mettent en œuvre des multiplications, sont rémunérées à hauteur de 0,60 francs de l'heure. Alors évidemment, le grand jeu des directeurs d'observatoire, c'est de faire passer des multiplications pour des additions. Comme nous l'avons dit plus haut, le directeur de l'Observatoire de Toulouse, Benjamin Bayot, s'applique à faire reconnaître institutionnellement les plus anciennes calculatrices qui vont acquérir le statut de fonctionnaire en 1899. Toutefois, leurs perspectives de carrière sont inexistantes. Elles demeurent attachées au bureau des mesures et des calculs et elles ne sont jamais admises sous les coupoles. Dans le même temps, à Bordeaux, le directeur de l'Observatoire, Georges Rayet, engage 6 institutrices, réunies dans un bureau de calcul à la faculté des sciences, c'est-à-dire à l'extérieur de l'enceinte de l'Observatoire. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Leur titularisation est hors de question. Monsieur Liard, donc qui est le ministre de l'Instruction publique, n'a pas voulu donner de nomination aux 6 femmes institutrices qui mesurent les clichés photographiques. Je trouve qu'il a eu raison, quoiqu'elles forment une sorte de personnel permanent. Elles sont payées sur facture, répondant à des heures de travail. A fortiori, il ne me paraît pas utile, ni même bon, de traiter comme des fonctionnaires des calculateurs essentiellement variables. Réellement, on ne peut pas en faire des employés de l'Observatoire et leur donner droit à quelque chose. La seule question est de les payer vite, presque à caisse ouverte. Et j'ai peur que la combinaison du ministère ne le rende pas facile. Donc, Jérôme Lamy décrit les 2 types d'activités des dames de l'Observatoire de Toulouse. Examen des plaques photographiques et calcul. La première de ces opérations, plutôt effectuée par des employés, est mécanisée. Un instrument support de plaque a été conçu et couplé avec un microscope à grand champ. Ce même instrument a été fabriqué pour tous les observatoires impliqués dans la carte du ciel. Il y en a partout dans le monde. Sur chaque plaque, munie d'un quadrillage, l'opératrice repère les étoiles à l'aide de leurs coordonnées et leur affecte une magnitude. L'éclairage est fondamental pour mener à bien cette tâche délicate. Comme les observateurs masculins, chacune des opératrices est évaluée par son équation personnelle, qui va être prise en compte dans la publication des résultats. C'est-à-dire que certaines observatrices ont tendance à surévaluer la magnitude ou à la sous-évaluer, donc on corrige. Les calculs sont l'apanage des auxiliaires. Ils nécessitent le maniement des tables de logarithmes et sont facilités par un arithmomètre, machine susceptible d'effectuer rapidement les quatre opérations et les extractions de racines. Comme à Bordeaux, les calculatrices ne sont pas nécessairement implantées à l'observatoire. Pour chacun des deux ateliers, la direction est masculine, mais la formation est prise en charge par les dames les plus âgées. La carte du ciel est l'opération internationale d'envergure qui provoque la généralisation des bureaux des dames dans les observatoires. Mais d'autres campagnes préalables ont ouvert la voie. Ainsi, l'astronome Bouquet de la Grille, chargé par l'Académie des sciences d'exploiter les clichés pris lors du passage de Vénus de 1882, fait appel à, je cite, « un atelier de jeunes filles ». Donc vous voyez en bas la photo, enfin une des photos du passage, je ne sais pas si vous la voyez, une des photos du passage de Vénus. Donc les dames travaillaient sur ces clichés. Alors, voici une petite citation. « Les mensurations sont achevées depuis 2 mois ». Et elles ont porté non pas sur 700 plaques, mais sur 1019, qui toutes ont passé 2 fois sur la machine, ce qui a donné un total de 400 000 pointés et de 500 000 lectures au micromètre et aux échelles. L'atelier a été formé principalement de jeunes femmes qui se relayaient toutes les heures au microscope des machines. Elles se sont rapidement mises au courant des détails du procédé et nous avons pu obtenir des séries de 10 heures de mesures consécutives sans fatigue. Exceptionnel, par suite de la variété des occupations qui comprenaient des pointés, des lectures sous la dictée et des calculs. Les calculs nécessaires pour l'utilisation des mesures sont très longs. Ils doivent couvrir 32 000 feuilles de papier. Charlotte Big souligne que l'irruption de la photographie dans le champ astronomique n'est pas étrangère à l'appel généralisé à la main-d'œuvre féminine et à une mutation profonde de l'organisation du travail à l'observatoire. Autant l'observation directe à l'oculaire du télescope ou de la lunette conserve un caractère artisanal, autant le traitement mécanisé par un personnel peu qualifié de milliers de clichés s'apparente à l'usine. Du reste, les astronomes en place peinent à lui conférer un statut scientifique. Et je pense que s'ouvre ainsi un questionnement épistémologique qu'il conviendrait de creuser plus en avant. Donc je vous ai dit que la plupart des ateliers des dames, des bureaux des dames, étaient dirigés par un homme. Il y a une exception, qui est Dorothea Klumke. Cette Américaine est venue à Paris en 1877 pour étudier les mathématiques et l'astronomie. Et c'est au cours de sa direction du bureau des mesures de la carte du ciel à l'Observatoire de Paris, entre 1892 et 1901, qu'elle va soutenir sa thèse sur les anneaux de Saturne, qui est la première thèse d'astronomie soutenue par une femme. Alors, encore convient-il d'émettre un bémol concernant le vocable « direction ». Parce que, en dépit des demandes de Mouchet, le directeur de l'Observatoire de Paris, Dorothea Klumke n'est pas nommée aide-astronome en raison de, je cite, sa qualité d'étrangère. Le ministère de l'Instruction publique va néanmoins accepter de lui verser une allocation annuelle, de 3 000 francs, ce qui correspond à la grille de rémunération du statut d'aide-astronome. Mais Mouchet écrira de nombreux courriers afin d'obtenir cette rétribution. Alors, comme pour Madame Le Pôtre, il y a une légende qui court au sujet de Madame Klumke, en particulier dans les journaux américains, qui disent qu'elle a candidaté contre 50 hommes pour obtenir son poste de directeur du bureau des mesures. Et bon, cette légende est absolument sans fondement. Il n'y a jamais eu de concours et elle n'a jamais été directrice. Madame Klumke a aussi effectué des ascensions en ballon. La première ascension en ballon qu'elle a effectuée avait pour objet l'observation de l'essaim météoritique des Léonides. Et elle l'a faite en novembre 1899, et on en trouve trace dans de nombreux journaux de l'époque. Elle va renouveler l'exploit en mai 1900, afin d'être aux premières loges pour observer une éclipse totale de soleil. C'est l'astronome Jules Janssen, qui est le directeur de l'observatoire de Meudon, et qui est convaincu de l'importance de l'aérostation en astronomie, qui va lui offrir ces deux opportunités. Elle va faire ensuite un bref séjour en Angleterre pour suivre son mari, Isaac Roberts, né en 1829 et mort en 1904, qui est un astronome amateur spécialiste de la photographie de nébuleuses. Mais le mariage sera de courte durée, son mari est bien plus âgé qu'elle, et donc il décède en 1904, et devenue veuve, Madame Klumke Roberts va renouer avec les plaques photographiques de l'Observatoire de Paris, où elle finira sa carrière, avant de retourner aux États-Unis. Sa contribution à l'astronomie française est reconnue par les titres d'officier des Palmes académiques en 1932, de chevalier de la Légion d'honneur en 1934. Deux astéroïdes portent la célèbre. Un astéroïde qui s'appelle Dorothea, numéro 339, qui a été découvert en 1892 par un astronome allemand, Max Wolf, qui était un ami d'Isaac Roberts. Et Klumkea, qui a été baptisé en 1925. J'arrive à ma conclusion. Donc, lorsqu'on évoque l'astronomie au féminin, la tentation est grande de dresser des portraits non contextualisés des dames de l'astronomie. Je me suis adonnée à l'exercice de la galerie de grandes figures dans la première partie parce qu'elle correspond à une période assez homogène du point de vue de la pratique astronomique féminine, essentiellement familiale et limitée à un milieu favorisé. Dans ma deuxième partie, vous avez vu la domination de la figure de Jérôme Lalande, astronome connu pour sa propension à former une armée de disciples et de collaborateurs, parmi lesquels un nombre non négligeable de dames. Le siècle qui suit va marquer une profonde rupture, en particulier à cause de l'intrusion des mathématiques. Et ces mathématiques vont dominer l'astronomie de métier, qui va du coup se fermer à l'exercice de type aristocratique et en conséquence aux dames. Certaines, donc réunies cette fois-ci autour de la figure d'Arago, vont choisir le canal de l'écriture. Mais, comme j'essayais de le montrer dans la dernière partie, le gros de la troupe féminine va faire son entrée à l'observatoire par la petite porte, celle du bureau des mesures ou des calculs. Donc ce sont les obscures petites mains, indispensables au fonctionnement de la grosse machine productrice de chiffres qu'est devenue l'astronomie, et ces petites mains n'ont pas l'opportunité de se faire un nom. Georges Rayet, à Bordeaux, les qualifie de, je cite, « prestataires interchangeables ». Les tâches répétitives peu valorisées auxquelles elles s'adonnent diffèrent en réalité assez peu de ce que faisaient les dames du XVIIe au XVIIIe. Mais le perfectionnement de l'instrumentation et en particulier l'introduction de la photographie a provoqué un changement d'échelle. Le catalogue de Lalande, auquel a collaboré Madame Lefrançais de Lalande, comportait 50 000 étoiles. La carte du ciel comporte 2 millions d'étoiles. Donc, on est parti d'une petite entreprise familiale et on lui a substitué un atelier mécanisé géré sur le mode industriel. Les calculatrices disparaîtront lorsque se généraliseront les calculatrices. Est-ce un hasard si les secondes, c'est-à-dire les machines à calculer, n'ont pas été dénommées calculateurs ? Je vous remercie.